Très sérieusement, Madame Martin, c'est entre nous, je dis ça, je dis rien, mais vous conviendrez que c'était mieux avant. C'est plus pareil, c'était mieux de notre temps. Regardez-les, ces jeunes d'aujourd'hui, ils ont plus de respect, ils sont mal polis. Ils portent des boucles d'oreilles dans les sourcils, dans le nez et même jusqu'au nombril. Ils ont mauvais genre et plus de manières. Ce qu'il leur faudrait, c'est une bonne guerre. Tout ça au newf, ça leur apprendrait l'autorité. Ce style vestimentaire, ils portent de vieilles vestes militaires. Ils savent même pas qu'elles ont servi à leur grand-père pour sauver le pays. Je te collerai tout ça en uniforme dans l'éducation, une bonne réforme pour rétablir les coups dans le derrière et sur les doigts des coups de règle en fer. Madame Martin, qu'avant on savait mieux travailler, je te mettrai tout ça au travail forcé. Madame Martin, vous comprendrez mon indignation. Très sérieusement, Madame Martin, regardez leur coiffure, ça ne rime à rien. Y'en a, ils se lavent jamais les cheveux et ça fait des paquets, mon Dieu, c'est affreux. Toutes les jeunes filles sont des traînées, trop provocantes, surmaquillées. Je te jetterai tout ça au couvent pour leur apprendre ce qui est décent.